Madame Dumanem, qui venait d'entrer dans le bureau de l'hôtel suivie de sa fille, s'arrêta surprise et ravie en regardant un monsieur qui parlait au gérant. Elle cambra sa longue taille, donna un ordre d'un air hautain et sortit en demandant à Sylvie « N'est-ce pas le monsieur qui déjeunait hier avec la duchesse de Corda Potentia ?» Elle l'avait parfaitement reconnu, mais elle tenait à jouer l'indifférence. La jeune fille rougit violemment et répondit « Je ne sais pas, maman. » Elle aussi reconnaissait le monsieur et son émotion en le voyant avait été grande. Il passa devant elle, leur fit un profond salut et se mit à monter l'escalier qui menait aux chambres. Alors Madame Dumanet n'y tint plus, elle rentra dans le bureau et demanda « Comment s'appelle ce monsieur ?»« Monsieur le vicomte de Naft. Est-ce qu'il habite l'hôtel ?»« Depuis ce matin, oui, madame. » Ensemble, la mère et la fille répétèrent, charmées. « Depuis ce matin ?» Et tandis que Madame Dumanet se disait « C'est pour moi qu'il vient loger ici. » Sylvie pensait émue « Faut-il qu'il m'aime ?» Et elle revit devant ses yeux la jolie silhouette du jeune homme. Elle le trouvait bien mieux que Paul. Et non seulement il était mieux physiquement, mais encore il était vicomte. Quel malheur qu'elle ne l'eût pas rencontré avant Paul. Ce pauvre Paul. Il était bien gentil, certainement, mais un vicomte. Madame Dumanet, elle, jugeait les choses à un point de vue plus matériel. Ce beau grand gars, jeune et bien portant, lui semblait un amoureux plus désirable que le colonel. Car elle en était bien revenue du colonel. C'était un amoureux pour rire, un amoureux pour Pont-sur-Orne, bon pour le flirt, mais pas pour autre chose, et se dérobant toujours à un moment donné. La belle Joséphine commençait à lui en vouloir pour tout de bon, car son peu d'empressement lui avait donné de sérieuses inquiétudes. Elle s'était demandé si ses charmes avaient perdu de leur acuité. On lui avait tant répété qu'elle était troublante et, d'autre part, elle avait eu si souvent l'occasion de constater que c'était la vérité, qu'elle s'étonnait de la froideur du colonel. N'était-elle donc plus la femme tant désirée de jadis? Après réflexion, elle avait préféré croire que ce militaire manquait de ressort. Et depuis un instant, elle se disait que le vicomte de Naft, quel joli nom, devait être un autre bonhomme que le colonel. Elle entra dans le salon. Paul y lisait les journaux. Sylvie demanda « Tiens, papa n'est pas avec vous ?» Paul prit une figure de circonstance. « Non, il est très fatigué, monsieur Dumanet. Il n'est pas levé et il ne viendra pas avec nous aujourd'hui. »« Qu'est-ce qu'il a encore ?» demanda madame Dumanet, énervée. « Un peu de courbature, tout bonnement. »« Va le voir, Sylvie. »« Je crois, » dit Paul, « qu'il est absolument inutile d'envoyer là-haut mademoiselle Sylvie. Monsieur Dumanet se repose. Il ne veut pas être dérangé. » Il avait trouvé effectivement son futur beau-père couché et geignant de tout son cœur, et si ses plaintes avaient paru à Paul manquer de sincérité, il s'était gardé d'en rien laisser voir. Il comprenait de reste que M. Dumanet eût envie de profiter, pour faire la noce, de son voyage à Paris. Lorsqu'il songeait, Mme Matou entra. Paul alla au-devant d'elle en disant à son tour « Où est papa ?»« Ton père, répondit Mme de la Mayonnaise, est un peu souffrant. » « Couché ? Presque. Patatras, lui aussi, » fit Paul qui en mit de rire et se dit à part lui. « Sapristi, il aurait bien pu s'entendre avec le père Dumanet pour ne pas être malade ensemble. » Sylvie regardait son fiancé et lui semblait lourd et commun. Le vicomte de Naft avait bien plus d'élégance et de distinction. « Je ne trouve pas ton père bien du tout, » disait la bonne Madame Matou. « Il est malade. La nuit, je suis sûre qu'il a la fièvre, et même qu'il délire. » Il dit des mots sans suite, ou même des mots que je ne comprends pas. Ainsi, cette nuit, à plusieurs reprises, il m'a répondu « Oui, ma petite môme » ou « Non, ma petite môme ». Et comme je me penchais sur lui pour tâter son front et voir s'il avait fièvre, il m'a dit « C'est pas l'heure de sucer le caillou. Du moins, il me semble que c'est ça qu'il a dit. » « Oui, ça doit être ça », affirma Paul qui se roulait. « Ça te fait rire. Pourquoi ?» Comme j'insistais, il m'a encore dit « « Va-t'en, je ne veux plus te voir. Tu as une binette à la désastre. »« Oh, je sais par cœur tout ce qu'il m'a dit. »« Pauvre maman, va !» fit Paul, moitié riant, moitié sérieux. Sans connaître le nom de la personne ou des personnes qui apprenaient ainsi le français à M. Matou, il se doutait bien que sa mère aurait à souffrir plus ou moins de leur intrusion dans la vie de son mari. Mais en même temps, la pauvre bonne femme était si comique lorsqu'elle répétait ses phrases d'argot qu'il éprouvait à l'entendre une terrible envie de rire. « Où déjeunons-nous ? » demanda Sylvie. « Où vous voudrez ?» fit Madame Matou indifférente, hélas. « Je voulais rester avec Pamphile. mais il ne veut pas entendre parler de ça. » Madame Dumanet proposa « Si pour une fois nous déjeunions à l'hôtel, nous irions à l'exposition après le déjeuner seulement ?»« C'est ça !» cria Sylvie. « C'est ça, ça nous changera !» Paul, étonné, la regarda. Jamais d'ordinaire elle ne manifestait ni ennui ni plaisir. Toujours gracieuse et gentille, elle suivait de bonne grâce les mouvements sans paraître toutefois s'intéresser à aucun. Et voilà que tout à coup, cette idée de déjeuner à l'hôtel, où l'on mangeait abominablement, semblait la réjouir très fort. Certes, Paul Matou n'était pas ce qui s'appelle amoureux de sa fiancée, mais il la trouvait fraîche et jolie, bonne petite fille, un peu bébête, mais il ne détestait pas ça. Et puis, comme tous les hommes, il ne supportait pas que l'on eût une préoccupation en dehors de lui ou du moins sans lui en faire part. Pendant qu'il réfléchissait à l'attitude de Sylvie, Madame Dumanet l'interpella. « Monsieur Paul, voulez-vous avoir l'obligeance de dire que nous déjeunons afin qu'on nous garde une petite table ?» Il sortit et dans le vestibule il rencontra le vicomte de Naft. Paul ne savait pas le nom de ce joli monsieur, mais sa tête l'irritait infiniment. Debout devant le bureau, le vicomte expliquait qu'il rentrerait pour dîner à 8 heures. En entendant le jeune homme retenir une table de 4 personnes et dire que ces dames désiraient déjeuner le plus tôt possible, il parut réfléchir, reprit sa clé qu'il venait de remettre à un garçon et dit « Non, au fait, je déjeune, je ne sortirai qu'après. » « Quelle est, dit Paul assez haut pour que le vicomte pût l'entendre, en s'en allant s'il l'eût souhaité, ce monsieur qui marque si mal ?» La dame du bureau sourit, évidemment satisfaite, mais sans vouloir s'associer à une manifestation quelconque. « C'est monsieur le vicomte de Naft. »« Ah, je ne l'avais pas encore vu. »« Il n'est ici tout à fait que depuis ce matin. » Et comme pour s'excuser, elle ajouta « Il est des amis de madame la duchesse de Cordapotentia. » Paul, en revenant au salon rendre compte de sa mission, déclara avec un aplomb énorme « Impossible de déjeuner, il n'y a plus de table de 4 ».« Comment de 4 ?» se récria madame Matou. « Mais nous sommes 5, tu oublies ton oncle Arthur. »« C'est vrai, » fit Paul consterné, « il y a l'oncle Arthur. » Et comme on parlait de lui, Arthur entra précisément, long, gros, un peu ridicule, mais avec pourtant une sorte de distinction hétéroclite qui avait son petit cachet. À sa vue, la duchesse de Cordapotentia, affaissée sur un divan, abandonna la lecture de son volumineux courrier et se rapprocha de la table des journaux autour de laquelle étaient assises Madame Matou et Madame Dumanet. L'oncle Arthur salua sommairement Madame Dumanet et sa belle-sœur et dit en montrant ses dents encore belles « J'ai une de ces fins ». Par la porte vitrée, Paul venait d'apercevoir le dos du vicomte de Naft qui s'engouffrait dans la salle à manger. Alors une idée lui vint et il proposa « Allons donc déjeuner au restaurant allemand. Je viens d'entendre le grand jeune homme qui déjeunait hier, il baissa la voix, avec la duchesse, dire que c'est excellent. Il sortait pour y aller alors que je commandais, ou plutôt que j'essayais de commander notre table. « Mon Dieu, oui, je ne demande pas mieux, » fit madame Dumanet enchantée, mais prenant un air de condescendance. Plus franche, Sylvie témoigna carrément sa joie. « C'est une très bonne idée. » « Oh, que vous êtes gentil d'avoir eu cette idée-là !» Paul se tourna vers sa petite fiancée et répondit, blagueur et triste à la fois, « Pas si gentil que vous croyez,